more of the city, more of that town, out in this moon, out in this moon. Ladies and gentlemen, Mr. Double Bass. Yeah. Le sable chaud. Follow the guitar. Hey Giorgio. Hey Giorgio, vas-y joue la guitare, Giorgio. Pour toi Giorgio. Merde, j'ai raté le départ. Merde, putain, j'ai mis un coup de basse dans le mur. Hey Giorgio, rejoue ce que tu faisais pour voir. Tu faisais un truc pas mal tout à l'heure. Ça partait en mi, je crois. Deux. simple. Perdu ton riff. T'avais un riff tout à l'heure qui était bien là, celui-là. De la guitare. Another one says to care for, I want no. Essayez de suivre ce que tu fais à la vague blanche. Je vais essayer de suivre ce que tu joues à la guitare. C'est dur, hein? Je vais essayer de suivre ce tu. Vas-y, joue-moi un truc, je te suis. Est-ce que ça va, le Brésil? À toi, tu peux mettre des accords comme tu veux, quoi. Essaye. Giorgio, tu peux, avec Jam Taba, tu mets tes accords avec le truc là. Truc et moi je joue à l'oreille. Tu joues le truc sur les 8 mesures ou alors tu changes les mesures, tu veux? Ouais, si tu veux, tu veux changer, change. Tu veux rester en 32, c'est ça? Vas-y. Non, il faut que tu choisisses. C'est à toi de choisir le BPI que tu veux. À toi, vas-y. Demande. Tu le marques. Tu marques 8, 16. Regarde. Tu mets 16. Hop, ça fait 16. 16 ou 32. 16. Là, t'as 16. Ça te va? 32, comme tu veux. Bon, il me reste pas beaucoup de temps. Il me reste 8 minutes. 20? 20, tu... ben 20, je peux pas, moi. Parce que moi, c'est pas marqué sur Gentaba. C'est 20. Si, on peut, mais c'est un peu compliqué. Alors, 20. Voilà. Non. Non, il veut pas mettre 20. Ça marche pas, 20. 20, je peux pas. Le 4 et le 5. Mais vas-y, tu peux jouer le truc. Est-ce que tu peux jouer le truc? Est-ce que tu peux jouer le truc? Ouais, en 16, vas-y, joue-le. Tu pars à 1. Et je suis en majuscule. Je suis en majuscule. 16, ouais, 16, vas-y. Vas-y, go. 6, 7, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En do, d'accord. D'accord, ok. Ok, ok. Et moi je vais écouter, je vais faire à l'oreille. Majeur 7. Joue-le, si tu veux. Parce que là, il me faut. Je pars bien sur le 1. Tu peux partir sur le 1-1. Tu peux partir sur le 1-1. Ça fait. Voilà. Attends, j'arrive pas à le faire. Moi je peux te faire ça sur le 16, ça va? J'ai entendu ça à l'oreille. Merde, attends. Ça veut pas enregistrer, tiens. Ça enregistre pas ça. Ah ouais, attends, utiliser, changer ça comme ça. Voir, ça marche. Ok. Mi, ré, fa et sol. Allez, notre... Ok. Thank you. Ouais, C. Merde. Mi. Fa. Sol. Ah, j'arrive pas à me caler. Décalé là. I know they wanna comfort that trauma and the trouble they come. I never wish to joke on my father. Thank you. c'est ta chanson, Giorgio. Je trouve que ta chanson, elle est sympa, tu vois. Mais je dois partir manger. J'aurais bien continué. Je te souhaite une bonne soirée, Giorgio. À bientôt. À bientôt. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bientôt, Giorgio, bonne soirée. Salut Giorgio, salut le Brésil.

Thank you.